Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Pierre Bédard, le réformiste canadien. Pierre Bédard meurt en 1829, déçu, oublié, amer. Mais sa vision de la démocratie ne meurt pas avec lui. Et à Londres, le principe du gouvernement responsable deviendra la clé de voûte du célèbre Reform Bill de 1832. C'est à Pierre Bédard que le journaliste et homme de télévision Patrick Watson, qu'on entend ici dans le documentaire « Démocratie », attribue la paternité du concept de gouvernement responsable. Bien que certains trouvent cette théorie exagérée, il reste que cette idée de gouvernement responsable, de responsabilité ministérielle, fera bel et bien partie de ce combat que va mener Pierre Bédard comme chef du Parti canadien, comme fondateur également du journal Le Canadien, pour donner plus de pouvoir aux élus majoritairement francophones face à l'omnipotence de la puissante minorité anglophone de la fin du 18e et du début du 19e siècle. Les idées réformistes de Pierre Bédard choqueront le gouverneur James Craig à un point tel qu'elles le conduiront tout droit en prison. Craig entre en fureur, dissout la Chambre en 1810, fait saisir les presses du journal Le Canadien, et jeter en prison Pierre Bédard et deux autres directeurs du journal. Mais Pierre Bédard a été emprisonné sans inculpation régulière, sans procès. Il réclame, en bon juriste, un procès régulier. Il refuse de quitter la prison avant d'avoir eu son procès. Le geôlier doit se mettre en mesure de l'expulser par la force. Accompagné de ses porte-clés, il trouve le député journaliste plongé dans un problème de mathématiques, sa distraction favorite. Sur la demande de Bédard, il accepte de lui laisser une heure pour terminer son problème. Le délai écoulé et le problème résolu, Pierre Bédard consent à retourner chez lui, satisfait. L'historien Robert Humilly à l'émission « Si femmes savaient », diffusée en avril 1970, pour nous raconter le combat et le parcours de Pierre Bédard, je reçois l'historien et professeur à la TELUC, Éric Bédard. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. Avant d'aller plus loin, Éric, un mot sur ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui appartient à la légende et à la réalité dans ce qu'on vient d'entendre? Puis surtout, qu'est-ce que ça nous dit, ce qu'on vient d'entendre sur la personnalité de Pierre Bédard? Ça nous dit deux choses. C'est qu'il ne semblait pas souffrir tant que ça en prison dans le sens suivant. C'est-à-dire qu'il exigeait un procès. Hein. Il ne voulait pas être libéré comme si rien ne s'était passé. On oublie ça, on met ça sous le tapis, on balaie ça sous le tapis. Il exigeait un procès, premièrement, donc un homme de principe, ouais. Un juriste qui connaissait très, très bien le droit britannique et qui savait que dans le droit britannique, dans les traditions juridiques britanniques, l'habeas corpus, hein, on avait droit à un procès juste et équitable. Qui estimait ce droit britannique. Absolument. En fait, il voulait que tous aient les mêmes droits. C'est un peu ça, oui, sa bataille. Exactement. Ouais. Et il n'était pas le premier à le réclamer. Ensuite, un homme qui avait des goûts, il s'intéressait, oui, au droit, à la philosophie du droit, mais il s'intéressait beaucoup aux sciences. Ouais. Il était membre d'une société scientifique qui avait été créée à Québec. Alors, il avait des goûts très éclectiques de toutes sortes. C'était un homme de la Renaissance, ouais, d'une certaine façon. Et c'est vrai, donc, cette histoire de problème de mathématiques? C'est rapporté dans les mémoires de Philippe Aubert de Gaspé. Il y a, ouais, tout lieu de penser que c'était vrai, en tout cas, oui. Oui. Il a été, cela dit, un petit peu oublié, Patrick Watson l'a dit au tout début de l'émission, par rapport, par exemple, on peut penser à un Papineau, à d'autres grandes figures de son temps ou à peu près. Pourquoi? Bien, probablement parce que cette période a été éclipsée par les rébellions de 1837-38. Quand on se tourne vers la première, le début du 19e siècle, on en a finalement que pour cette séquence historique, la querelle des subsides et ensuite la montée du parti canadien qui va devenir le Parti patriote. Et pour cet affrontement très spectaculaire des années 1830, et on passe un peu sous le silence, disons, les pionniers de, ouais, ce combat, et aussi parce qu'il n'y a pas eu le même genre d'affrontement militaire. Donc, c'est probablement la raison principale. Ajoutons à ça que Pierre Bédard était un homme moins charismatique, probablement, que Louis-Joseph Papineau. Pas un très grand orateur. Il n'était pas reconnu pour être un très grand orateur. C'était davantage un homme de l'écrit. Il a écrit, il a fondé, on le dira, le journal Le Canadien. Un homme de pensée, un homme homme d'écrit, mais certainement pas un orateur doué, non. Un petit mot, donc, pour mieux le camper, ce fameux personnage, Pierre Bédard, qui est-il en quelque sorte? Alors, c'est quelqu'un qui est originaire de Charlebourg, comme beaucoup de Bédard, j'en sais quelque chose. Il est originaire de Charlebourg. Y a-t-il un lien? Non, il n'y en a pas. J'en serais bien fier, mais non, il n'y a pas de lien. Donc, fils d'un boulanger, il fréquente le séminaire de Québec de 1777 à 1784. On dit que son père aurait payé ses frais de scolarité avec des sacs de farine. Après le séminaire, il se tourne vers le droit, tout naturellement, comme bon nombre, comme une élite émergente, hein, qui n'est pas d'origine seigneuriale. Mais il ne s'intéresse pas seulement à la pratique du droit. Il me fait un peu penser d'ailleurs là-dessus à Louis-Hippolyte Lafontaine. Il s'intéresse aux fondements philosophiques, aux principes, aux concepts du droit. La procédure, les plaidoiries l'intéressent finalement assez peu. Il sera inscrit sur la liste des avocats en 1790. Il est élu une première fois en 1792, lors des premières élections qui vont se tenir au Bas-Canada. On sait que l'Angleterre adopte l'acte constitutionnel en 1791 et qui est mis en vigueur rapidement avec des élections à la fois dans le Haut et dans le Bas-Canada. Il va être élu député de Northumberland, c'est-à-dire le comté de Montmorency-Charlevoix. Et dès son arrivée à la Chambre, il va participer à un débat extrêmement chaud, le débat sur la langue. Ouais. Hein, et on sait que la minorité anglophone souhaitait proscrire l'usage du français. On écoute justement un extrait qui nous ramène à cette entrée de Pierre Bédard à la Chambre au Parlement du Bas-Canada. Extrait de l'émission « Une demi-heure avec » diffusée en 1966. Paul Dupuis relate donc ce tout premier discours en Chambre de Pierre Bédard. Dans un silence total, le député Pierre Bédard prononce son premier discours en chambre. Si le conquis doit parler la langue du conquérant, pourquoi les Anglais ne parlent-ils plus le normand ? Demande-t-il. Si la langue anglaise est si nécessaire pour attacher les colonies au roi, pourquoi les États-Unis d'Amérique, où la langue anglaise est la langue dominante, se sont-ils révoltés et soustraits à la domination de l'Angleterre ? Et Pierre Bédard conclut en disant « Ceux qui exigent qu'on parle une langue plutôt qu'une autre, même dans une colonie, ne savent pas ce qu'ils veulent dire, à moins qu'ils n'entendent qu'il faut exterminer tous ceux qui ne comprennent ni ne parlent cette langue. » Et d'un geste dramatique, le jeune député lève les deux bras au ciel en s'écriant « Messieurs les Anglais, exterminez tous jusqu'au dernier. » Extrait du tout premier discours de Pierre Bédard au Parlement du Bas-Canada. Il est à ce moment-là assez peu connu, Éric Bédard, mais évidemment, avec ce discours-là, il se fait remarquer. C'est le moins qu'on puisse dire. Il se fait remarquer et là, ben, il va se mettre aussi à réfléchir à ce que c'est un sujet britannique qui peut avoir des droits, justement, à l'intérieur d'un empire. Et très tôt, on le voit bien, c'est un lecteur passionné. Il faut dire que le Parlement du Bas-Canada va se doter d'une bibliothèque, une des plus vieilles, et je tiens ces informations de Gilles Galichan, qui est un historien qui a travaillé longtemps lui-même à l'Assemblée nationale du Québec, qui a fait une thèse sur le livre au Bas-Canada. On a une bonne bibliothèque et Pierre Bédard lit énormément. En plus de lire sur le droit, il va s'intéresser aux sciences, aux mathématiques, à la physique. C'est vraiment un esprit éclectique. Il va devenir membre de la Quebec Chemical Society. Hein? Donc, il a des intérêts dans toutes sortes de domaines. Mais, comme on l'a dit, ce n'est pas nécessairement pour autant un très grand orateur. En même temps, c'est assez fascinant dans son parcours, en même temps qu'il est admiratif de la démocratie britannique, du système parlementaire britannique. Ce qu'il réclame ici l'amène à être en opposition contre l'élite anglophone, parce que ce qu'il veut, c'est que tous les citoyens de ce pays jouissent des mêmes droits, ce qui n'est pas le cas de facto à ce moment-là. On peut dire, au fond, Éric Bédard, que l'histoire de Pierre Bédard, c'est aussi beaucoup l'histoire de l'opposition à ce moment-là entre deux élites, l'élite marchande anglophone et cette nouvelle élite francophone qui est quoi, constituée de gens issus de la profession, des professions libérales. Exactement, c'est que à partir du moment où il y a un parlement, vont se constituer un peu naturellement deux élites. Vous l'avez dit, l'élite marchande qui dans le fond qui contrôle essentiellement le pouvoir exécutif, proche du gouverneur, qui est était présente évidemment dans le Conseil législatif, l'équivalent du Sénat de l'époque. Et cette élite-là a ses entrées, est puissante, mais n'a pas la force du nombre. Ceux qui ont la force du nombre, ce sont les Canadiens français, qui ont des représentants à la Chambre basse, exactement. Et le problème, c'est que, problème pour les anglophones, c'est que la Chambre basse a le dernier mot sur tout ce qui concerne la fiscalité, tout ce qui concerne les taxes. Hein, c'est un principe fondamental dans la tradition juridique britannique. No taxation without representation. Les élus du peuple sont ultimement ceux qui vont sanctionner ou refuser des taxes nouvelles pour le peuple. Et donc, ça peut causer des problèmes et ça peut amener des querelles sur qui on va taxer et pourquoi. Et de fait, il y aura un dossier très spécifique, celui du financement des prisons et de comment avec quelles taxes on va financer ces fameuses prisons, qui sera un peu la bougie d'allumage dans l'opposition entre ces deux élites, la francophone et anglophone. Exactement. Alors, il y a des prisons qu'on veut créer à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières. Et à partir de 1805, il va y avoir un débat sur, oui, mais comment on va les financer, ces fameuses prisons? Alors, l'Assemblée législative va voter une taxe sur le commerce, ce qui va évidemment choquer énormément les marchands anglophones qui sont outrés, qui, eux, auraient voulu une taxe foncière, pour taxer la terre plutôt que le commerce. Et donc, le clivage va devenir très clair. Le commerce contre l'agriculture, la ville contre la campagne, une certaine bourgeoisie marchande et anglophone contre une bourgeoisie plutôt libérale francophone. Quand je dis bourgeoisie libérale, c'est une nouvelle élite faite d'avocats, de notaires. Auparavant, l'élite des Canadiens, c'était essentiellement des gens issus de la petite minorité seigneuriale, de la classe seigneuriale. Donc, voilà, les marchands sont ulcérés par cette taxe. Ils ont l'impression que les dés sont pipés et qu'il faut absolument changer les règles du jeu en leur faveur. Ce qu'ils veulent, au fond, c'est mettre au pas cette majorité vaincue par les armes quelques décennies plus tôt. Et c'est dans cette optique qu'ils vont créer, on va appeler ce parti le parti des bureaucrates, qu'ils vont fonder le Quebec Mercury en janvier 1805. Et ce journal devient leur organe qui fournit leurs arguments, mais aussi leurs préjugés. Et face à ces marchands britanniques, une élite canadienne libérale, plus rurale, issue de milieux généralement assez modestes, va vouloir faire respecter ses droits constitutionnels et va fonder le journal Le Canadien. Et qui sera la tête pensante, celui qui tiendra la plume, ce sera Pierre Bédard. C'est important, donc, cette opposition, que chacun de ces deux groupes puisse s'exprimer par l'entremise d'un journal? Exactement. Parce que là, on assiste à l'émergence d'une opinion publique. Hein, il s'agit de sensibiliser une opinion publique. Il y avait déjà quelques journaux qui avaient été créés à la fin du 18e siècle, mais il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas beaucoup de journaux là, qui circulaient. Donc là, on a deux journaux qui sont bien campés dans leur position. Et les deux journaux vont faire valoir des points de vue assez tranchés sur ces questions, sur l'avenir. Et dans le journal Le Canadien, eh bien, sous la plume de Pierre Bédard, ce qu'on voit apparaître, c'est des revendications. Oui. Des revendications par rapport à ce qu'on souhaite pour l'avenir. Quelle est sa pensée, en fait? Qu'est-ce qu'il cherche politiquement, Pierre alors, Bédard? Alors, je résumerai ça en quatre éléments de programme. Premier élément de programme, c'est la liberté de la presse, une liberté sacrée. On verra que c'est un enjeu important, surtout dans un contexte où la France et l'Angleterre sont en guerre. Il y a une méfiance qui pèche sur les Canadiens et les catholiques. Mais ça, c'est un principe sacré qui est défendu, s'exprimer librement. Deuxième élément de programme qui revient constamment, c'est l'égalité devant la loi, qu'on soit d'origine française ou anglaise, on est tous des sujets de la colonie, des sujets britanniques, et on devrait donc jouir des mêmes droits. Et ça, c'est très important. Mm-hmm. Ensuite, autre élément, l'indépendance de l'Assemblée. Et pour assurer le bon fonctionnement de la Chambre, on croit qu'il faut offrir une indemnité aux députés, un salaire au président de la Chambre, et surtout exclure les officiers de la colonie, les juges, les fonctionnaires. Vous imaginez, c'était quand même curieux, là. On avait des juges, des fonctionnaires qui étaient en plus des députés, donc on oublie ça, là, la séparation des pouvoirs, et aussi pour éviter la concentration des pouvoirs. Et enfin, un meilleur contrôle des dépenses par l'Assemblée. Mm-hmm. C'est aux élus de l'Assemblée de contrôler où allaient les dépenses de la population. Ouais. Donc, on a là les quatre éléments de programme les plus fondamentaux. Ouais. La question plus spécifique du gouvernement responsable dont Patrick Watson parlait au tout début de l'émission, on y revient. Je vous propose à nouveau un extrait du documentaire « Démocratie ». Démocratie, diffusée en 1990. Vous allez y entendre l'historien Denis Vaugeois, puis, à nouveau, le journaliste Patrick Watson. Il faut quand même reconnaître que Bédard avait raison d'exiger un gouvernement responsable. Il disait lui-même, nous, on se fait élire par la population, on a le droit de faire des lois. Mais après ça, les lois, d'autres les mettent en application. Ils mettent des lois en application qui, pas nécessairement dans l'esprit qu'on voulait. Alors, c'est comme si on n'avait pas de pouvoir. Ils veulent un vrai pouvoir, si vous voulez. Et où il propose ses idées? Dans la Chambre? Oui, il le fait en Chambre, mais il le fait surtout, parce qu'il offre l'occasion de grands débats en Chambre, mais il le fait surtout dans son journal. Et il n'y a pas, pour le groupe parlementaire canadien à l'époque, de journal qui est disponible. Et les Anglais, ou le parti anglais, le parti du gouverneur, profitent du Québec Mercury depuis un petit bout de temps. Alors, Bédard crée le journal Le Canadien, qui dérange le gouverneur et son groupe, ça c'est certain. Pierre Bédard venait de formuler le principe de la responsabilité ministérielle, un principe qui allait transformer et sauvegarder la démocratie parlementaire, non seulement au Québec, mais partout dans le monde. Peut-être que Bédard ne se rendait pas compte à quel point son idée était révolutionnaire, mais pour le gouverneur et les grosses légumes, c'était une menace. Le gouverneur fit donc fermer le journal Le Canadien et envoya Bédard en prison. La question de la responsabilité ministérielle, on va y revenir dans un instant, Éric Bédard, mais on voit dans cet extrait aussi que le pouvoir anglophone, que le gouverneur Craig est très indisposé par les idées de Bédard. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il va s'attaquer? Écoutez, il ferme un journal, oui. Le Canadien, il met Bédard et quelques-uns de ses collègues en prison. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'irrite tant? Ben, d'abord, un mot sur Craig. Il arrive en 1807. C'est un homme relativement âgé. Il a 65 ans. Il a combattu pour l'Empire. Et il arrive dans un contexte où Napoléon domine complètement l'Europe. Il a lui-même participé à ces guerres contre Napoléon, il y a une méfiance. Oui. Hein? On pense que c'est Canadien. D'ailleurs, il y a eu un manifeste qui a été signé par 12 Canadiens qui rêvent que le Canada soit rétrocédé à la France. Oui. Ils vont d'ailleurs signer une pétition. Hein? Et on ne sait pas si Napoléon en a pris connaissance, mais... Il y a un jeu de miroir. Là. Ce qui se passe en exactement, Europe, bien cette, sûr. Cette guerre entre Français et Anglais se transpose ici, au fond. Exactement. Et donc, le gouverneur reçoit de très fortes pressions de la minorité pour fermer le journal Le Canadien, pour mettre au pas l'Assemblée, les pressions sont vraiment très, très fortes. Je vous cite un extrait d'une lettre. Hein. Craig écrit à un correspondant le 4 août 1808, « Les Canadiens sont insubordonnés et n'aiment pas la soumission. Si les seigneurs possédaient leurs anciennes influences, il en serait bien autrement. Les avocats, les notaires paraissaient maintenant avoir pris la direction et avec eux est venu l'esprit d'indépendance. Les avocats forment un parti très puissant dans la Chambre. Ils sont toujours ensemble et ils pensent en s'opposant aux vues du gouvernement, de le forcer à leur donner leur place. Oui. » Donc là, il va y avoir une cascade d'événements. En avril 1809, le président Jean-Antoine Panet va être réélu comme président de la Chambre. C'était un proche de Pierre Bédard. Et ça choque le Parlement. C'est vu comme une provocation. Panet était un unilingue francophone. Donc, le Parlement va être dissous. Des élections précipitées vont être appelées. Or, à l'automne 1809, les mêmes députés vont être réélus. Pas de chance pour Craig. Donc, même si Londres va inviter Craig à faire preuve de modération, puisqu'oubliez pas que le désordre, c'est pas très bon pour les affaires. Ouais. La colonie est très importante pour l'Angleterre, puisqu'elle pourvoit l'Angleterre en bois. Mais le gouverneur fait fi de ses appels à la modération, passe à l'action. Le 17 mars 1810, le gouverneur ordonne la saisie du Canadien. Et le 19 mars, deux jours plus tard, Pierre Bédard, François Blanchet et Jean-Thomas Taschereau, trois députés du Parti canadien, vont être arrêtés et conduits à la prison de Québec. Les trois sont condamnés pour des pratiques traîtresses. Ouais. On veut les neutraliser. On veut neutraliser ce mouvement, ce parti, le Canadien, dont Bédard est le chef. Mais ce qui est assez, je ne sais pas comment qualifier ça, mais particulier, à tout le moins, c'est que Craig est en offensive. Son dernier recours, c'est de les mettre en prison, ce qu'il fait. Il y a de nouvelles élections avec Bédard. Et ça, exactement, c'est assez extraordinaire. Bédard, en prison, Pierre, oui, est réélu. Exactement. Alors, il est réélu, même si Craig publie une proclamation quelques jours après l'arrestation des trois députés pour expliquer sa position, même si l'évêque de Québec, prend position finalement pour la position du gouverneur. On a là un cas flagrant là, de compromission de l'Église avec le pouvoir britannique. Malgré tout ça, les électeurs du Québec finalement n'en font qu'à leur tête et vont réélire Pierre Bédard et les députés. Alors donc, le problème reste entier. Ceci dit, Craig refuse de faire de véritables procès. Lui, dans son optique, il est dans un état d'insurrection appréhendé, ouais. Hein, quasiment. Il dit, j'utilise pas ce terme-là, mais ça nous est familier. Il exige des trois députés une caution de 500 livres. Il exige aussi un aveu de culpabilité pour les crimes. Alors, évidemment, Pierre Bédard, il n'y en est pas question. Il n'y a même pas de procès. Il ne sait même pas pourquoi il a été arrêté. Ceci dit, François Blanchet, un des trois députés, va lui accepter de payer la caution et de faire cet aveu de culpabilité. Il va quitter la prison le 11 juin 1810. On dit que son état de santé expliquerait cette concession assez grave pour son honneur. Jean-Thomas Taschereau va faire exactement la même chose. Lui, il va tourner sa veste, va devenir plutôt un supporter du gouvernement de Craig. Mais Pierre Bédard, lui, il n'en est pas question. Et il n'en est pas question avec les conséquences énormes que ça a pour sa famille, puisqu'il n'y a plus de revenus qui rentrent. Sa femme, qui lui en voudra d'ailleurs, est obligée de louer leur maison et de quitter avec ses jeunes enfants. Il finira tout de même par être libéré. Qu'est-ce qui va devenir à la suite de cet épisode de Pierre Après Bédard? Ses 391 jours de prison, il est finalement libéré. Il sera nommé juge, hein, parce qu'il y a un nouveau gouverneur qui fait son arrivée, qui est un peu plus ouvert aux positions du Parti canadien. Il va être nommé juge à Trois-Rivières. Il va finir un peu dans l'oubli. Il va être éclipsé, dans le fond, par Louis-Joseph Papineau. Mais son héritage constitutionnaliste va rester. Oui. Le gouvernement responsable, on y revient, on termine là-dessus. Je reviens à ce que Patrick Watson disait. Il n'est pas le seul, mais c'est contesté, cette théorie qui veut que Bédard, au fond, soit un peu le père du gouvernement responsable. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Éric Bédard? Ben, je pense qu'il y a du vrai là-dedans. On peut dire que, finalement, la position du Parti patriote des années 1830 est peut-être une parenthèse. C'est-à-dire que Papineau a défendu une certaine idée de la République au Bas-Canada, lui et des supporters, mais que finalement, Louis-Hippolyte Lafontaine, en réclamant le gouvernement responsable, est peut-être revenu à des positions plus classique, plus proche de Pierre Bédard, celle d'un réformisme qui s'inscrit à l'intérieur du cadre du constitutionnalisme britannique. Éric Bédard, professeur d'histoire à la TELUC, auteur de nombreux ouvrages, dont tout récemment « Survivance, histoire et mémoire du 19e siècle canadien-français ». C'est toujours un bonheur. Merci, Éric. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire, ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.